Chapitre 7e. Nouveau lieu et nouvelle figure. Le lendemain, dans l'après-midi, lorsqu'ils approchèrent de Milton du Nord, ils prirent l'embranchement qui conduit à Heston, petite ville qui n'est elle-même qu'une longue rue, où les maisons, dispersées çà et là, s'étendent sur une ligne parallèle au rivage. Elle a un aspect qui lui est propre, et elle diffère autant des bourgades où l'on va prendre les bains de mer dans le midi de l'Angleterre, que celles-ci diffèrent à leur tour des bains du continent. Tout dans le pays va droit au but, comme disent les Écossais, et porte l'empreinte d'un caractère positif. Les charrettes de la campagne y ont plus de fer qu'ailleurs, les harnais des chevaux moins de bois et moins de cuir. La population a l'esprit affairé, bien qu'elle aime le plaisir. Les couleurs des vêtements sont moins vives, moins gaies et plus solides. On n'y porte pas de blouse, même parmi les gens de la campagne. Elles gênent les mouvements. Elles offrent plus de prise aux machines. Et l'usage en a complètement disparu. Dans les villes analogues du midi de l'Angleterre, Marguerite avait vu les boutiquiers, lorsque rien ne le retenait à leur comptoir, prendre l'air sur leurs portes et regarder ce qui se passait d'un bout à l'autre de la rue. Ici, les marchands trouvaient toujours moyen d'occuper les loisirs que leur laissaient les pratiques, et auraient plutôt déplié inutilement leurs marchandises pour les replier ensuite que de flâner sans but ou de se reposer un instant. Ces différences caractéristiques ne pouvaient manquer de frapper l'esprit de Marguerite lorsque, le lendemain matin, elle parcourut Heston avec sa mère pour y chercher un logement. Les deux nuits qu'ils avaient passées à l'hôtel leur avaient coûté plus cher que Mr. Hale ne l'avait supposé, et ils louèrent avec empressement les deux premières chambres qui pouvaient les recevoir. C'était la première fois depuis longtemps que Marguerite jouissait d'un peu de repos. Une certaine rêverie s'emparait d'elle au milieu de cette tranquillité profonde. Le bruit mesuré des vagues qui venaient mourir sur la grève, les voix des enfants, les scènes nouvelles qui se passaient sous ses yeux, sans qu'elle se donnât la peine de se les faire expliquer, la berçait doucement et endormait ses ennuis. L'air doux et tiède qu'on respirait sur cette plage, même à la fin de novembre, la ligne brumeuse de l'horizon où la mer se confondait avec le ciel, la voile blanche d'un bateau qu'un pâle rayon de soleil argentait dans le lointain, la rendait pensive et tout absorbée dans l'heure présente. Elle oubliait le passé et n'osait envisager l'avenir. Mais il faut aller à lui, quelque douloureux qu'il vous paraisse. Un soir, il fut décidé que Marguerite partirait le lendemain pour Milton du Nord avec son père, afin d'y chercher une maison. Mr. Hale avait reçu plusieurs lettres de Mr. Bell, une ou deux de Mr. Thornton, et il désirait vivement s'assurer des chances de succès que pouvait lui offrir sa nouvelle résidence, et dont une entrevue avec ce dernier gentleman pouvait seule lui fournir le moyen. Marguerite savait bien qu'il lui faudrait partir, mais elle avait de la répugnance pour les villes industrielles, et croyant que sa mère se trouverait bien de son séjour à Heston, elle aurait volontiers différé son départ. Quelques milles avant d'arriver à Milton, ils virent un nuage épais suspendu à l'horizon, au-dessus de l'endroit où devait être la ville, et que faisait paraître plus sombre encore le ciel pâle d'une belle journée d'hiver. À mesure qu'ils approchaient, une odeur et un goût de fumée remplissaient l'atmosphère. Peut-être l'absence du parfum des prairies se faisait-elle plus vivement sentir encore. En un instant, ils furent lancés au milieu d'un assemblage de longues rues alignées, composées de petites maisons en briques et d'une régularité désespérante. Çà et là, une grande manufacture aux nombreuses fenêtres se dressait comme une poule entourée de ses poussins et versait dans l'air une fumée noire, bien suffisante pour expliquer le nuage que Marguerite avait supposé devoir annoncer la pluie. D'énormes véhicules chargés de ballots encombraient les rues qu'il leur fallait traverser pour aller du chemin de fer à l'hôtel et arrêtaient continuellement leurs voitures. Ailleurs, Marguerite avait toujours vu les chariots de denrées ou de marchandises transporter des objets de différentes natures, mais ici, les wagons, les tapissières, les camions, les haquets n'avaient pour chargement que du coton, soit en balles, soit en pièces. La foule couvrait les trottoirs. La plupart de ces passants étaient bien vêtus quant à l'étoffe de leurs habits. Mais il y avait dans leur mise un laisser-aller une malpropreté même qui, pour Marguerite, contrastait d'une manière frappante avec l'élégance râpée des individus de la même classe qu'elle rencontrait à Londres. New Street, c'est, je crois, dit Mr. Hale, la principale rue de Milton. Belle m'en a souvent parlé. Ce n'était, il y a 30 ans, qu'une ruelle étroite, et c'est la transformation qu'on en a faite qui a donné tant de valeur au terrain qu'il possédait ici. L'usine de Mr. Thornton doit être dans le voisinage, puisqu'il est locataire de Mr. Bell, mais je suppose que c'est l'adresse de son magasin qu'il m'a indiquée dans ses lettres. Où est notre hôtel, papa? Je pense que c'est au bout de la rue. Goûtons-nous avant d'aller visiter les maisons dont nous avons vu les annonces dans le journal de Milton. Faisons d'abord ce que nous avons à faire. Très bien. Je vais seulement voir en passant s'il n'y a pas un billet pour moi de la part de Mr. Thornton, et nous commencerons immédiatement nos recherches. Nous garderons le cab, ça sera plus sûr, et vaudra mieux surtout que de nous perdre et de manquer le train de ce soir. Mr. Thornton n'avait pas écrit, et ils se mirent aussitôt à chercher des logements. Il leur était impossible de mettre à leur loyer plus de 30 guinées par an. Dans le Hampshire, ils auraient pour ce prix-là une maison considérable avec un beau jardin. Mais ici, 4 chambres à coucher et 2 pièces pouvant servir de cabinet et de salon paraissaient bien au-dessus de leurs moyens. Ils étaient arrivés à la fin de leur liste et n'ayant rien trouvé, ils se regardaient tristement. Il faut retourner à la seconde maison que nous avons visitée, celle de Crampton. N'est-ce pas comme cela qu'ils appellent ce faubourg? Dit Marguerite. On pourrait s'en arranger. La pièce d'en bas qui donne sur le devant vous servirait de cabinet et formerait en même temps la salle à manger. Pauvre papa. Maman, vous le savez, a besoin d'un salon qui soit gai, et la pièce d'en haut, avec son atroce papier bleu et rose et sa lourde corniche, n'en a pas moins une vue charmante sur la plaine que traverse la rivière ou le canal. Je ne sais pas trop lequel des deux. Je prendrai pour moi la chambre de derrière qui est au-dessus de la cuisine. Vous et maman, vous auriez celle-là qui est à côté du salon, et la petite pièce qui est sous le toit vous ferait un superbe cabinet de toilette. Mais Dixon est la bonne qu'il nous faudra pour l'aider. Attendez un peu. Je suis vraiment effrayé de mon génie administratif. La chambre de derrière qui se trouve au rez-de-chaussée conviendra parfaitement à Dixon, elle qui grognait toujours d'avoir à monter et à descendre. Quant à la servante, elle aura la mansarde qui est au-dessus de votre chambre. Est-ce que cela ne fait pas l'affaire de tout le monde? Je ne dis pas non, mais ces affreux papiers, ces horribles peintures, ces abominables corniches... Ne vous en inquiétez pas, cher papa. Vous obtiendrez bien du propriétaire qu'il renouvelle le papier du salon et de votre chambre à coucher, les seules pièces que ma mère habitera. Quant à la salle à manger, vos livres couvriront la plus grande partie des murailles, puisqu'en même temps ce sera votre cabinet. Je vais donc aller trouver M. Duncan, la personne à qui je dois m'adresser, d'après l'annonce, et je tâcherai de m'entendre avec lui et d'obtenir d'autres papiers. Je vais d'abord te reconduire à l'hôtel, où tu commanderas la collation et où tu te reposeras en m'attendant. Marguerite espérait bien que son père réussirait dans sa demande. Elle ne pouvait pas prévoir qu'on pût tenir à ces abominables tentures. Elle n'avait jamais été en rapport direct avec les gens de mauvais goût, qui préfère un ornement quelconque, si affreux qu'il puisse être, à la simplicité qui le cachait de la véritable élégance. Elle venait d'arriver à l'hôtel où son père l'avait quitté au bas de l'escalier pour courir chez Mr. Duncan, lorsqu'au moment où elle allait entrer chez elle, l'hôtelier qui l'avait suivi d'un pas rapide lui adressa la parole. « Excusez-moi, madame. Le gentleman est parti si vite que je n'ai pas pu l'avertir. » « Mr. Thornton est venu pour le voir presque aussitôt que vous avez été sorti. Je lui ai répondu que je croyais avoir entendu dire au gentleman qu'il rentrerait dans 1 heure. Mr. Thornton est revenu il n'y a pas 5 minutes et il est dans votre chambre où il attend Mr. Hale. « Merci. Mon père va revenir. Dès qu'il sera de retour, vous l'avertirez qu'il y a quelqu'un chez lui. » Marguerite ouvrit la porte et entra dans la chambre avec la dignité qui lui était habituelle, ayant trop l'usage du monde pour éprouver le moindre embarras. Elle se sentait d'ailleurs toute disposée à recevoir avec bienveillance une personne qui s'était montrée obligeante pour son père. Mr. Thornton fut beaucoup plus déconcerté. À la place du vénérable prêtre qu'il s'attendait à voir, une jeune fille, complètement différente de celle qu'il voyait habituellement, s'avançait avec une noblesse pleine de franchise. Sa toilette, d'une grande simplicité, se composait d'un chapeau de paille d'Italie d'un excellent modèle, orné de rubans blancs, d'une robe de soie brune sans garniture et d'un grand châle de l'Inde qu'elle portait comme une reine. Il se demandait qui pouvait être cette jeune personne dont le regard était si tranquille et chez qui sa présence n'excitait ni embarras ni surprise. Il avait bien entendu dire que Mr. Hale avait une fille, mais il s'était imaginé qu'elle était encore tout enfant. « Monsieur Thornton, je crois, » dit Marguerite, après avoir attendu quelques secondes les paroles que le gentleman ne trouvait pas à lui dire. « Veuillez vous asseoir, monsieur. Mon père vient de me ramener il n'y a pas 2 minutes. Malheureusement, on ne lui a pas dit que vous étiez là, et il est ressorti pour affaires, mais il ne tardera pas à rentrer. Je regrette que vous ayez eu la peine de revenir une seconde fois. » Mr. Thornton avait l'habitude de commander aux autres, mais il sembla reconnaître immédiatement l'espèce d'autorité que Marguerite prenait sur lui. Un peu avant qu'elle parût, il s'impatientait de perdre son temps, surtout un jour de marché, et maintenant il s'asseyait tranquillement comme elle le lui avait ordonné. « Savez-vous de quel côté peut-être, Mr. Hale ?» lui demanda-t-il. « Je pourrais sans doute le retrouver. » Il est allé voir Mr. Duncan, le propriétaire d'une maison qu'il désirait louer dans Crampton. Mr. Thornton connaissait la maison dont parlait Marguerite. Il avait été la voir précisément à l'intention de Mr. Hale et avait pensé qu'elle était bien suffisante pour loger l'ex-ministre. Mais à présent qu'il voyait Marguerite, sa grâce majestueuse et la fierté de son regard, il se sentait confus d'avoir pu croire un instant que ces pièces, dont la vulgarité ne lui avait pas échappé, étaient tout ce qu'il fallait pour Mr. Hale et sa famille. Marguerite se sentait fatiguée. Elle aurait volontiers gardé le silence et profité du repos que son père avait voulu lui procurer. Mais elle se devait à elle-même de se conduire en femme bien élevée et de causer avec cet étranger qui n'était pas des mieux brossés. Il faut en convenir après les courses qu'il avait faites dans les rues populeuses de Milton. Elle aurait surtout mieux aimé qu'il partît, comme il en avait annoncé l'intention tout d'abord, que d'avoir à écouter les réponses un peu brèves qu'il faisait à ses observations. Cependant, elle avait quitté son châle qui pendait sur le dos de son fauteuil et s'était assise en face de Mr. Thornton. Elle était en pleine lumière, et la beauté de son cou arrondi et flexible, de sa taille élégante et souple, de ses yeux veloutés qui le regardaient avec tant de calme, de ses lèvres dont le frémissement n'altérait pas la sérénité de son visage, ne pouvait échapper au jeune homme. « Elle ne me plaît pas, » se disait-il en lui-même, pour se venger de la fière indifférence avec laquelle les yeux de Marguerite répondaient à son admiration. « Je ne suis pour elle qu'un homme sans grâce, un être grossier, » pensait-il, en prenant la tranquillité de la jeune fille pour du mépris. Blessé au cœur, il voulait partir et n'avoir plus aucun rapport avec cette famille orgueilleuse. Au moment où Marguerite venait d'épuiser son dernier sujet de conversation, si toutefois on peut appeler ainsi les quelques phrases qu'ils avaient échangées, Mr. Hale entra et ses manières gracieuses, la courtoisie parfaite de ses excuses, eurent bientôt réhabilité sa famille dans l'esprit de Mr. Thornton. Mr. Hale avait beaucoup de choses à lui dire relativement à Mr. Bell. Marguerite, enchantée de n'avoir plus besoin de s'occuper du jeune homme, s'approcha de la fenêtre pour tâcher de se familiariser avec l'étrange aspect de la ville qu'elle devait habiter. Elle était tellement absorbée par ce qu'elle voyait au dehors que son père fut obligé de répéter une seconde fois les paroles qu'il lui avait adressées. « Marguerite, » lui disait Mr. Hale, « notre propriétaire persiste à admirer cet horrible papier et j'ai bien peur que nous ne soyons obligés de le subir. » « J'en serais vivement contrarié, » répondit-elle. Et, se retournant du côté de la rue, elle se mit à chercher dans sa tête le moyen de dissimuler le plus possible cet abominable papier, tandis que son père, avec la bienveillante hospitalité des personnes qui habitent la campagne, pressait Mr. Thornton de partager leur collation. Il eût été peu convenable de la part du jeune homme d'accepter l'offre du gentleman, et pourtant Mr. Thornton sentait qu'il aurait cédé à l'invitation qui lui était faite, si Marguerite avait, d'un mot ou seulement d'un regard, appuyé les paroles de son père. À la fois satisfait et blessé du silence de la jeune fille, il se leva pour partir, et jamais il n'avait été aussi gauche et ne l'avait mieux senti qu'en recevant la profonde révérence que lui adressa Marguerite. « Dépêchons-nous de manger, » dit Mr. Hale dès que Mr. Thornton fut parti. « Tu sais qu'il n'y a pas de temps à perdre. As-tu commandé quelque chose ?»« Non, papa. Ce monsieur était ici lorsque je suis arrivé, et je n'ai pu m'occuper de rien. » « Prenons alors ce qu'on pourra nous donner. J'ai peur d'avoir fait beaucoup attendre, Mr. Thornton. »« Quant à moi, j'ai trouvé le temps bien long. J'étais au bout de mon rouleau quand vous êtes arrivé. Impossible d'avoir avec lui une conversation un peu suivie, et d'en obtenir autre chose que des réponses d'une brièveté singulière. Mais d'une précision remarquable, c'est un homme d'un esprit fort judicieux, » répondit Mr. Hale, qui semblait avoir pris de Mr. Thornton une opinion très favorable. De retour à Heston, il fallut rendre compte du voyage à Mrs. Hale et répondre à toutes les questions qui lui vinrent en foule pendant qu'on prenait le thé du soir. « Et votre correspondant, Mr. Thornton, quel homme est-ce ?»« Demande à Marguerite, » répondit son mari. « Ils ont fait ensemble un long essai de conversation pendant que j'étais allé chez notre propriétaire. »« Je serais fort embarrassé de le dire, » répliqua celle-ci d'un air indifférent. « C'est un homme de grande taille, aux épaules larges et d'environ... Quel âge peut-il avoir, papa ?»« 30 ans, j'imagine. »« D'une figure ni belle ni laide, qui n'a rien de remarquable. »« Ce n'est pas précisément un gentleman, mais on ne devait pas s'y attendre. »« Il n'a rien de vulgaire, néanmoins, ni au physique ni au moral, » s'empressa de dire son père, jaloux de défendre le seul ami qu'il eut encore à Milton. « Assurément, » reprit Marguerite. « Un visage, quelle que fût sa laideur, ne pourrait être vulgaire avec une physionomie aussi énergique et aussi intelligente. Je ne voudrais pas avoir à débattre un marché avec lui. Quelle inflexibilité dans l'expression de la bouche et des yeux. En un mot, chère maman, un homme qui semble fait pour la niche qu'il occupe, sagace et déterminé comme il convient à un marchand. « N'appelle pas les manufactures de Milton des marchands, » lui dit son père. « Ils sont tout autre chose. » « Pourquoi pas ? C'est le nom que je donne à tous ceux qui vendent un objet quelconque. Pourtant, si vous croyez que le mot n'est pas convenable, je ne m'en servirai plus. Mais à propos de choses communes et de mauvais goût, préparez-vous, chère mère, au papier de notre salon. Des roses bleues, des roses rouges, avec des feuilles jaunes, et quelle horrible corniche !» Mais quand elles arrivèrent dans leur nouvelle demeure, les odieux papiers avaient disparu, et le propriétaire leur permit de croire qu'il avait bien voulu condescendre à leurs désirs après avoir exprimé sa détermination de n'en rien faire. Il jugeait inutile de leur dire qu'il avait accordé à la première observation de Mr. Thornton, le riche manufacturier, ce qu'il avait refusé net aux instances du révérend Mr. Hale, complètement inconnu à Milton.